Bon, on se fait un rock. Un bon rock, un bon gros rock. Hey. Qui paye son riff? Ça, c'est bon, ouais. C'est parti. Thank you. Thank you. Ouais.